entre autres, quelques expressions, soit vosgiennes en français, on va dire, et puis alsaciennes. Et oui, nous faisons partie du Grand Est. Et puis les Vosges, aussi le côté alsacien, côté vosgien, côté alsacien. Et qui dit côté alsacien, dit les Bredelers. La Swatch Cabaye! Et les oiseaux chantent dans la prairie. Le ciel est bleu et le soleil brille aussi. Toi tu es là, tu es assise à côté de moi. Tous les deux, nous mangeons de la Swatch Cabaye. J'ai les doigts qui collent parce qu'il y a du jus qui a coulé dessus. Je me lèche les doigts et déjà ça ne colle plus. Toi tu es là, tu es assise à côté de moi. Tous les deux, nous mangeons de la Swatch Cabaye. Swatch Cabaye, Swatch Cabaye. Sur tes genoux, ta jupe est couverte de flancs, c'est embêtant comme tout. Tu es un peu triste et le larme coule sur ta joue. J'ai la bouche pleine de miettes et je t'embrasse partout. Le monde peut s'écrouler tout autour de nous. J'ai la bouche pleine et le reste, je m'en fous. Toi tu es là, tu es assise à côté de moi. Tous les deux, nous mangeons de la Swatch Cabaye. Toi tu es là, tu es assise à côté de moi. Tous les deux, nous mangeons de la Swatch Cabaye. Swatch Cabaye, Swatch Cabaye. Allez les amis, c'est le moment de s'encouder. Prenez votre partenaire de gauche et de droite, comme ceci. À gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Attention, voici la fin de l'histoire. La tarte, elle est presque finie. Il en reste presque plus. Juste un morceau qu'il faut partager entre toi et moi. Sans plus de clic, tu me dis que tu n'en veux plus. Alors je le prends et je le mange en une seule fois. Le monde peut s'écrouler tout autour de nous. J'ai la bouche pleine et le reste, moi je m'en fous. Toi tu es là, tu es assise à côté de moi. Tous les deux, nous mangeons de la Swatch Cabaye. Toi tu es là, tu es assise à côté de moi. Tous les deux, nous mangeons de la Swatch Cabaye. Swatch Cabaye, Swatch Cabaye. Et les amis, je vous propose de rentrer chez moi. C'est pourquoi? Parce que chez moi, j'ai la Swatch Cabaye et une bonne botte de schnapps, hein. On va pouvoir se bourrer la gueule tous ensemble, hein. Ça vous marche? Et on chantera. Toi tu es là, tu es assise à côté de moi. Tous les deux, nous mangeons de la Swatch Cabaye. À vous! Toi tu es là, tu es à côté de moi. Tous les deux, nous mangeons de la Sochkamaya. Toi tu es là, tu es assise à côté de moi. Tous les deux, nous mangeons de la Sochkamaya. Toi tu es là, tu es assise à côté de moi. Tous les deux, nous mangeons de la Sochkamaya. Toi tu es là, tu es assise à côté de moi. Les Breadalers, les Breadalers. Ah oui, alors je vais vous faire juste quelques extraits de l'ouvrage avec les dessins, les photos sont très sympas. Les expressions alsaciennes illustrées, Sepi l'Alsacien, donc c'est l'édition Plomma, Plom Plom Tralala. C'est moi qui rappelle, qui complète en disant Plom Plom Tralala. C'était une autre chanson de David Vincent, mais ça sera pour une autre fois. Plom Plom, vous cherchez David Vincent et vous trouvez Plom Plom Tralala. Alors, quelques expressions alsaciennes. Wie geht's, comment ça va? Et puis, sans lui, ben ça, je vous le fais. Comme disait Vanoni, quand on parle pas français, on parle allemand. Non, c'est, mais bien sûr, souvent les expressions alsaciennes viennent aussi du germanique. Je suis capoute, ben je suis crevée. Hop là, guys, allez, on y va, c'est parti. Alors, il y en a d'autres. Gesundheit, à ta santé, exalt, c'est à ta santé, etc. Alors, j'aime bien, c'est aussi. Allez, monte ta tirette. En fait, c'est remettre ta fermeture éclair, mais ça marche aussi pour la braguette. Hein. Et puis, vous avez, schluck, voilà, un peu, hein, une petite goutte, enfin voilà, un petit morceau, un stick, un petit morceau de quelque chose. Voilà. Alors, vous avez aussi des expressions selon que le lieu en Alsace, ça se prononce différemment. Alors, ce qui est bien dans ce petit ouvrage, c'est qu'ils ont mis en phonétique aussi comment ça se prononce. Et puis, des expressions. Il y a aussi... Moi, je suis bon public. Hein. Est-ce que vous savez comment on dit Google en alsacien? Google. Voilà. Oui, je suis très bon public. Hein. Et puis, comment on dit Scrabble? On va jouer au Scrabble en alsacien? Scrapple, voilà. Donc, il y a des petites allusions, mais sympathiques, c'est gentil. Et effectivement, c'est dans les expressions alsaciennes illustrées. En plus, ils disaient bien, on va aller au Québec, Suisse, Belge, ils vont continuer leur petit périple. Ben oui, c'est un filon qui doit être largement creusé, mais c'est sympathique, c'est fait avec beaucoup d'humour. C'est aux éditions Blam. Et nous continuons. Alors, version Vosgienne des expressions, Charlie Chopin. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Le nez dans le ruisseau, ça c'est la faute à Rousseau. Je suis tombé par terre, sur un cœur de pierre, à en mourir. À genoux, cœur à terre, prisonnier en galère, mais c'est la vie. Brisé comme du verre, en petits morceaux par terre, mais c'est la vie. Mais c'est la vie. Emmène-moi au pays des rêves, emmène-moi danser avec les fées. Nous y boirons cet hydromel qui transforme l'hiver en été. Emmène-moi au pays des rêves, emmène-moi danser avec les fées. Nous y boirons cet hydromel qui transforme l'hiver en été, en été. Je suis tombé par terre, il y avait plus de Voltaire. Mes larmes dans le caniveau, mais qu'est-ce qu'on aurait dit trousseau. Je suis tombé par terre, sans boussole ni repère, sans pouvoir m'enfuir. Oh, à genoux, cœur à terre, comme un hiver en enfer, mais c'est la vie. Comme un oiseau sans ses ailes, un avenir sans ciel, mais c'est la vie. Mais c'est la vie. Emmène-moi au pays des rêves, emmène-moi danser avec les fées. Nous y boirons cet hydromel qui transforme l'hiver en été. Emmène-moi au pays des rêves, emmène-moi danser avec les fées. Nous y boirons cet hydromel qui transforme l'hiver en été. Emmène-moi au pays des rêves, emmène-moi danser avec les fées. Et nous y boirons cet hydromel qui transforme l'hiver. Charlie Chopin, qui est le responsable, le créateur du magazine mensuel Causons-en. Et vous avez d'ailleurs un hors-série, Causez-le Wotschpat, là pour seulement 2,90€, 400 mots et expressions bien de chez nous. Alors, petite précision par rapport effectivement au marché de Noël. Sachez que le marché de Noël de Remiremont se termine le 24 décembre. Vous pourrez écouter le samedi 22 décembre, notamment Blue Dixie Band, que vous pourrez retrouver au marché de Noël du Plombières le 26 décembre. Le marché de Noël de Plombières est jusqu'au 23 décembre de 11h à 19h, à partir du mercredi 26 et dimanche 30 décembre de 14h à 19h30. Et avec beaucoup d'animations musicales, notamment également le 27 décembre, Union Vosgienne des Batteries et Fanfares, et le 29 décembre, Orgue de Barbarie. Allez, on continue, ce sont nos pépites à nous. Faut y aller à fond et chasser l'éléphant pour héros petits héros, mon frère un max d'euros, héros tous bâtards, pauvre l'éléphant, t'en as plus pour longtemps. Alors on n'est pas d'accord et on le dit très fort. Nos meilleurs amis, ce sont les animaux. Ils sont gentils et aussi simples et très beaux. Sur terre, en l'air, dans l'eau, rien n'est plus beau qu'un oiseau. Oh, oh, oh. Ils sont très beaux, oh, oh. Les nains du beau, oh, oh. Qui sont dans l'eau. Boum, oh, oh. Ils sont debout, oh, oh. Les caribous, oh, oh. Qui marchent debout. Y'a le rhinocéros qui est pas du tout féroce, mais qui a une grosse bosse qui le pousse dans la fosse, car l'effet carabosse pour changer de carrosse et nourrir les gosses, lui cherche des crosses. Y'a les poissons, les tout petits poissons qui ont perdu leur maman à cause des hameçons. Y'a les oiseaux comme les petits moineaux qui volaient tout là-haut, qui volaient tout là-haut. Nos meilleurs amis, ce sont les animaux. Ils sont gentils et aussi simples et très beaux. Sur terre, dans l'air, dans l'eau. Nos meilleurs amis, ce sont les animaux. Ils sont gentils et aussi simples et très beaux. Un oiseau sur le plan d'eau à Remiremont tous les dimanches matins jusqu'au 17 février. Donc, animation gratuite proposée par Oiseau Nature à partir de 10h jusqu'à midi. Allez, un grand merci à Lucas aussi. Parfois, il est aussi de ce côté des manettes, mais là, Thomas pour la mise en onde sur RCN. Ah ben, on souhaite aussi une bonne année, une bonne fin d'année justement à nos techniciens, donc Lucas, Thomas et Marcus pour RGM. Allez, pour mes étrennes, début 2019, Dominique Walter, la parodie Que la montagne est belle, que les Vosgènes sont belles, je vous la proposerai dans son intégralité. À bientôt en 2019. Et y'a que le soir après le boulot, le brame du Vosgien fait de l'écho pour le plus grand plaisir des dames. Pourtant, que les Vosgiennes sont belles, comment ne pas être excité quand tombe culotte et jartelle. Et tous les moineaux se mettent à chanter. Après 5 jours de labeur, le bon Vosgien se met en cœur pour une bringue infernale. Alors on sort le vin de groseille.